FrenchPod.com. Je ne me sens pas bien. J'ai envie de vomir. J'aime la mer quand elle est un peu agitée. J'ai le mal de mer. J'ai l'impression que je vais mourir. Respirer l'air frais. Se sentir vivant. Le bateau coule. C'est une catastrophe. Calmez-vous. Ce n'est qu'une petite vague.